Salut Romain, comment vas-tu? Salut Eric, bien, merci. Alors, quoi de neuf? Et ton travail? Tout va bien, j'apprends beaucoup. Depuis lundi, Pierre, un autre Français, travaille aussi chez Atos. On est dans le même bureau. C'est bien, on peut parler français au boulot et pendant les pauses. C'est chouette. Et ton emploi du temps, il est comment? La journée type au boulot, en Pologne, c'est 8 heures de travail par jour, semaine de 40 heures. On arrive quand on veut, on part quand on veut, mais on doit faire des journées de 8 heures. Et pour le déjeuner? On a une pause de 15 ou 20 minutes. Alors avec Pierre, on sort pour acheter à manger. En Pologne, on peut manger dans les bureaux.